Voici le résumé de l'entretien du porte-parole de la représentation de l'armée populaire de Corée à Panmunjom en date du 18 courant. Tout comme les autres actes hostiles américains, l'incident de Panmunjom a été également provoqué délibérément par les troupiers américains afin de pérenniser l'occupation de la Corée du Sud et d'inventer le prétexte de la guerre d'agression. En novembre 1975, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la résolution sur le retrait des troupes américaines d'occupation sud-coréenne et tous les Coréens du Nord, du Sud et d'Outre-mer avaient engagé vaillamment la lutte pour chasser les forces militaires américaines, source de tous leurs malheurs. Dans le but d'y faire face, les États-Unis ont mis en scène dans le secteur de sécurité commune à Panmunjom l'opération de coupe d'arbres pour trouver l'issue dans la provocation d'une nouvelle guerre en aggravant la tension militaire dans la péninsule coréenne. Le 18 août 1976, suivant le plan détaillé, les troupiers américains ont commencé à abattre le peuplier blanc près du pont de Panmun, qui, selon eux, empêchait la surveillance. Lorsque nos militaires de ronde avaient voulu les interrompre, les Juhaïs ont brandi les haches avant de les attaquer. Pénétrant le but sournois des troupiers américains, nos militaires ont tout de suite pris la mesure autodéfensive. L'officier américain qui dirigeait la provocation sur place est mort du coup de la hache que ses soldats avaient lancé à nos militaires. Un autre officier a été aussi tué alors que les restes ont été blessés. Au changement brusque de la situation, d'autres militaires américains s'y étaient renforcés, mais ils ont été punis par la justice et les provocateurs n'ont obtenu que la mort. Plus tard, comme il convient à la nature des bandits, les États-Unis ont prétendu de convoquer la réunion du groupe de haut rang pour la sécurité et d'entreprendre les représailles afin de dénaturer comme si nous étions provocateurs et ont alerté leurs troupiers d'occupation de la Corée du Sud et l'armée fantoche sud-coréenne pour la guerre contre le Nord. Mais ce n'était qu'une fanfaronnade pour déguiser leur honte. La leçon de l'incident de Panmunjom et de l'histoire des 40 années plus tard montre que l'attaque armée de hache engendre la mort par la hache, la frappe nucléaire, la catastrophe nucléaire du territoire américain. Les envahisseurs et provocateurs sont voués seulement à la mort pitoyable. Voilà la fin fatidique, inévitable.